Chapitre 14e, les Anglais. Minuit sonnait à l'horloge de la cathédrale. Tout le bruit et tout le mouvement du carnaval avaient cessé. Les dernières lumières s'éteignaient çà et là, et la maison Trouin seule jetait mille feux par ses vitraux coloriés. Les remparts, le quai, le port et la rade étaient complètement déserts. Les îles et les caps semblaient dormir sur l'eau comme d'énormes baleines. La mer était pleine jusqu'au bord et jetait au loin ses immenses palpitations, si admirables à entendre la nuit. Tout cela était baigné d'un clair de lune d'une telle splendeur que les phares de la côte pâlissaient au sommet de leur tour. René puisait le calme et la fraîcheur dans la contemplation de ce tableau sublime. « Voilà, » se disait-il, le regard perdu sur l'océan, « voilà la carrière où m'attendent la gloire et le bonheur. Ah, si je pouvais la convertir à l'instant même en un vaste champ de bataille, par quels exploits je mériterais d'ouvrir ce médaillon qui contient le secret de ma destinée. » Tout à coup, au moment où ses yeux plongeaient aux limites de l'horizon, il tressaillit des pieds à la tête, poussa une exclamation mêlée de surprise, de joie et de terreur, regarda quelque temps encore avec l'ardeur du lion qui voit arriver sa proie, leva les deux bras au ciel en disant « Merci, mon Dieu, vous m'avez exaucé !» reprit comme une flèche le chemin de la maison de son père et, rattachant à peine son masque sur son front, rentra dans le bal en criant « Aux armes, voilà les Anglais !» Nous renonçons à décrire l'effet d'une pareille nouvelle, ainsi annoncée à une telle heure, à ses corsaires en habits de soie et de velours. La musique se tait, les quadrilles s'arrêtent, les flammes s'évanouissent, les hommes tirent l'épée. Le cri « Aux armes, les Anglais !» vole de bouche en bouche, de porte en porte, de rue en rue. Réveille toute la ville en sursaut et la jette en masse sur les remparts, au bruit du tocsin de toutes les cloches. Nos trois héros ne s'étaient pas trompés. La population entière, hommes, femmes, enfants, accourut à son appel, à moitié endormie encore et dans les costumes les plus étranges, virent bientôt une voile, puis deux, puis cinq, puis dix, puis vingt. Enfin, toute la flotte anglaise, escortant la machine infernale, sortirent des profondeurs de la Manche, s'approchaient comme une bande de goélands gigantesques, se déployaient lentement dans les eaux de Saint-Malo et annonçaient à cette ville le sort qui l'attendait par 26 coups de canon multipliés d'écho en écho.